plein de potes, tu connais pas, t'es niqué. Vas-y, viens faire un tour, les frères, vous chargez de t'expliquer. Trop de mecs impliqués, des histoires, faut bien répliquer. Puisqu'on sneak, parce qu'on a pas la même plaque. Dehors, c'est criminel, comme Palestine et Israël. C'est ça, les choquants comme deux juifs qui se tapent pour savoir qu'Israël. C'est vrai qu'on aime pas trop raconter des blagues. On préfère compter les bas, se vanter des plaques, autre arabe et black. Certains se mettent des balles, des coups de barre, fou allié. Alors que c'est deux bâtards habités sur le même palier. Voit comme l'argent dirige les gens. Car si t'es plein, t'as les femmes, les grosses caisses, pleurs à désobligeants. Les mains en l'air, c'est pas un bras qu'on met un enterrement. Génération charcutée depuis le cours élémentaire. Mais non, t'es pas au courant, les putes ont déserté. Si les petits connaissent l'oseille, avant l'âge la puberté. Les mains en l'air, c'est pas un bras qu'on met un enterrement. Génération charcutée depuis le cours élémentaire. Mais non, t'es pas au courant, les putes ont déserté. Si les petits connaissent l'oseille, avant l'âge la puberté. J'ai des faces qui fusent comme des bastos à Bagdad. C'est Monsieur Hex qui sort du tigre. Vas-y matelas, tu crimes, des grosses lattes sous le matelas. Tu cries, clate le pif, illégal, on crate, toi tu pries. Ici les frères braquent bicrave, là-bas ils payent le prix. J'ai le flow intact, tu mérites tes pas, font taille et gris. Le schlatol et les soucis, faut que les frères ont maigri. J'suis au quartier, ce qui est au braquage, Albert Spot. J'arrive, les petits putes mangent du sursis, prennent pour des bars, j'en. Moi je veux marcher, viens manger le son de la barbaille. Bouge pas bonhomme, c'est que l'introduction kiffe la diction. J'ai l'écriture stratégique, rien de mathématique, que des bêtes de matrix. Ce soit moi ou ma clique, kiffe mathématique. Je raconte ma street du soir au matin, avec la trique, cousin. Les mains en l'air, c'est pas un bras qu'on met un enterrement. Génération charcutée depuis le cours élémentaire. Mais non, t'es pas au courant, les putes ont déserté. Si les petits connaissent l'oseille, avant l'âge la puberté. Les mains en l'air, c'est pas un bras qu'on met un enterrement. Génération charcutée depuis le cours élémentaire. Mais non, t'es pas au courant, les putes ont déserté. Si les petits connaissent l'oseille, avant l'âge la puberté.